Arthur dit que parler d'amour comme ça, c'était des foutaises. Odile dit que ça lui avait échappé, mais que c'était vrai. Puis ils marchèrent dans le noir jusqu'à la place Clichy, assurément une des plus belles de Paris le soir, avec sa lumière de charbon. Tout ceci ramenait Arthur et Odile à eux-mêmes, au présent, au passé, au futur fait d'aventure. Ensuite de quoi, ils descendirent au centre de la Terre. Chez moi.